Le rayon vert, chapitre 12. Nouveau projet. Le retour à Oban se fit dans des conditions beaucoup moins agréables que l'aller à l'île Sail. On avait cru partir pour un succès et on revenait avec une défaite. Si la déception éprouvée par Miss Campbell pouvait être atténuée en quelque chose, c'était parce que Aristobulus Ursiclos en était la cause. Elle avait le droit de l'accabler, ce grand coupable, de charger sa tête de malédiction. Elle ne s'en fit faute. Les frères Melville auraient été malvenus à essayer de le défendre. Non, il avait fallu que l'embarcation de ce maladroit, auquel on ne pensait guère, fût arrivée juste à point pour cacher l'horizon au moment où le soleil lançait son dernier trait lumineux. Ce sont là de ces choses qui ne sauraient se pardonner. Il va sans dire qu'après cette algarade, Aristobulus Ursiclos, qui, pour s'excuser, s'était en outre permis de plaisanter le rayon vert, avait regagné la chaloupe afin de revenir à Oban. Il avait sagement fait, car, très probablement, on ne lui aurait pas offert une place dans la calèche ni même sur le siège de derrière. Ainsi donc, par deux fois déjà, le coucher du soleil s'était fait dans des conditions où il eût été possible d'observer le phénomène, et, par deux fois, l'œil ardent de Miss Campbell s'était vainement exposé aux rutilantes caresses de l'astre qui lui laissait la vue trouble pendant quelques heures. D'abord, le sauvetage d'Olivier Sinclair. Ensuite, le passage d'Aristobulus Ursiclos avait fait manquer des occasions qui ne se représenteraient pas de longtemps peut-être. Dans les deux cas, il est vrai, les circonstances n'avaient pas été les mêmes, et autant Miss Campbell excusait l'un, autant elle accablait l'autre. Qui aurait pu l'accuser de partialité? Le lendemain, Olivier Sinclair, assez rêveur, se promenait sur les grèves d'Oban. Qu'était donc ce monsieur Aristobulus Ursiclos? Un parent de Miss Campbell et des frères Melville, ou simplement un ami? C'était, à tout le moins, un familier de la maison, rien qu'à la façon dont Miss Campbell s'était laissée aller à lui reprocher sa maladresse. Eh bien, que lui importait à Olivier Sinclair? S'il voulait savoir à quoi s'en tenir, il n'avait qu'à interroger le frère Sam ou le frère Sib. Et c'est précisément ce qu'il se défendait de faire, ce qu'il ne fit point. Cependant, les occasions ne lui manquèrent pas. Chaque jour, Olivier Sinclair rencontrait, tantôt les frères Melville se promenant ensemble, qui auraient pu se flatter de les avoir jamais vus l'un sans l'autre, tantôt accompagnant leur nièce sur le bord de la mer. On causait de mille choses, et plus particulièrement du temps, ce qui, dans l'espèce, n'était point une manière de parler pour ne rien dire. Retrouverait-on jamais une de ces soirées sereines dont on guettait le retour pour revenir à l'île Sail? On pouvait en douter. En effet, depuis ces deux admirables embellies du 2 et du 14 août, ce n'était plus que ciel incertain, nuages orageux, horizon sillonné d'éclairs de chaleur, brume crépusculaire. Enfin, de quoi désespérer un élève astronome accroché à l'objectif de sa lunette et poursuivant la révision d'un coin de la carte céleste. Pourquoi ne pas avouer que le jeune peintre était maintenant épris du rayon vert tout autant que Miss Campbell? Il avait enfourché ce dada en compagnie de la belle jeune fille. Il courait avec elle les champs de l'espace. Il chevauchait cette fantaisie avec non moins d'ardeur, pour ne pas dire non moins d'impatience, que sa jeune compagne. Ah, il n'était pas un Aristobulus sur Cyclos, lui, la tête perdue dans les nuages de la haute science, plein de dédain pour un simple phénomène d'optique. Tous deux se comprenaient et tous deux voulaient être de ces rares privilégiés que le rayon vert aurait honoré de son apparition. « Nous le verrons, Miss Campbell, » répétait Olivier Sinclair. « Nous le verrons, quand je devrais aller l'allumer moi-même. En somme, c'est par ma faute qu'il vous a échappé une première fois, et je suis aussi coupable que ce monsieur Oursiclos, votre parent, je crois. Non, mon fiancé, paraît-il, » répondit ce jour-là Miss Campbell, en s'éloignant avec quelque hâte pour aller rejoindre ses oncles, qui marchait en avant et s'offrait une prise. Son fiancé ? Il fut singulier l'effet que produisit sur Olivier Sinclair cette simple réponse, et surtout le ton dont elle avait été faite. Après tout, pourquoi ce jeune pédant ne serait-il pas un fiancé ? Au moins, dans ces conditions, sa présence à Auban s'expliquait. De ce qu'il avait été assez mal avisé, pour s'interposer entre le soleil couchant et Miss Campbell, il ne s'ensuivait pas. Qu'est-ce qui ne s'ensuivait pas? Olivier Sinclair eût peut-être été fort embarrassé de le dire. D'ailleurs, après 2 jours d'absence, Aristobulus Ursiclos avait reparu. Olivier Sinclair l'aperçut plusieurs fois en compagnie des frères Melville qui n'auraient pu lui tenir rigueur. Il semblait être dans les meilleurs termes avec eux. Le jeune savant et le jeune artiste, à diverses reprises, s'étaient aussi rencontrés, soit sur la plage, soit dans les salons de Caledonian Hotel. Les deux oncles avaient cru devoir les présenter l'un à l'autre. « Monsieur Aristobulus Ursiclos de Dumfries. Monsieur Olivier Sinclair d'Édimbourg. » Cela avait coûté à chacun de ces jeunes gens un salut médiocre, une simple inclinaison de tête, à laquelle le corps, raidi outre mesure, n'avait point pris part. Évidemment, il n'y aurait jamais sympathie entre ces deux caractères. L'un courait le ciel pour y décrocher les étoiles, l'autre pour en calculer les éléments. L'un, artiste, ne cherchait point à poser sur le piédestal de l'art, l'autre, savant, se faisait de la science un piédestal sur lequel il prenait des attitudes. Quant à Miss Campbell, elle le boudait absolument, Aristobulus Ursiclos. S'il était là, elle ne semblait plus s'apercevoir de sa présence. S'il venait à passer, elle se détournait visiblement. En un mot, ainsi qu'il a été expliqué plus haut, elle le coupait avec toute la netteté du formalisme britannique. Les frères Melville avaient quelque peine à en rassembler les morceaux. Quoi qu'il en soit, dans leur opinion, tout cela s'arrangerait, surtout si ce capricieux rayon voulait enfin paraître. En attendant, Aristobulus Ursiclos observait Olivier Sinclair par-dessus ses lunettes, manœuvre familière à tous les myopes qui veulent regarder sans en avoir l'air. Et ce qu'il voyait, l'assiduité du jeune homme près de Miss Campbell, l'aimable accueil que la jeune fille lui faisait en toute occasion, n'était sans doute pas pour lui plaire. Mais, sûr de lui-même, il se tint sur la réserve. Cependant, devant ce ciel incertain, devant ce baromètre dont la mobile aiguille ne parvenait pas à se fixer, tous sentaient leur patience mise à une bien longue épreuve. Avec l'espoir de trouver un horizon dégagé de brume, ne fût-ce quelques instants au coucher du soleil, on fit encore 2 ou 3 excursions à l'île Sail, auxquelles Aristobulus Ursiclos ne crut pas devoir prendre part. Peine inutile. Le 23 août arriva sans que le phénomène eût daigné apparaître. Alors, cette fantaisie devint une idée fixe, qui ne laissa plus place à aucune autre. Cela tournait à l'état d'obsession. On en rêvait nuit et jour, à faire craindre quelque nouveau genre de monomanie, à une époque où il n'y a plus à les compter. Sous cette contention d'esprit, les couleurs se transformaient en une couleur unique. Le ciel bleu était vert, les routes étaient vertes, les grèves étaient vertes, les roches étaient vertes, l'eau et le vin étaient verts comme de l'absinthe. Les frères Melville s'imaginaient être vêtus de vert et se prenaient pour de grands perroquets qui prenaient du tabac vert dans une tabatière verte. En un mot, c'était la folie du vert. Tous étaient frappés d'une sorte de daltonisme et les professeurs d'oculistique auraient eu là de quoi publier d'intéressants mémoires dans leur revue d'ophtalmologie. Cela ne pouvait durer plus longtemps. Heureusement, Olivier Sinclair eut une idée. « Miss Campbell, dit-il ce jour-là, et vous, messieurs Melville, il me semble que, tout bien considéré, nous sommes fort mal à Auban pour observer le phénomène en question. » « Et à qui la faute ?» répondit Miss Campbell en regardant bien en face les deux coupables qui baissèrent la tête. « Ici, pas d'horizon de mer, » reprit le jeune peintre. « De là, obligation d'aller en chercher un jusqu'à l'île Sail, au risque de ne point s'y trouver au moment où il y faudrait être. »« C'est évident, » répondit Miss Campbell. « En vérité, je ne sais pas pourquoi mes oncles ont été choisir précisément cet horrible endroit pour notre expérience. »« Chère Helena, » répondit le frère Sam, ne sachant trop que dire, « nous avions pensé... »« Oui, pensé, la même chose, » ajouta le frère Sib pour lui venir en aide, « que le soleil ne dédaignait pas se coucher chaque soir sur l'horizon d'Auban, puisque Auban est situé au bord de la mer. » « Et vous aviez mal pensé, mes oncles, » répondit Miss Campbell. « Très mal pensé, puisqu'il ne s'y couche pas. » « En effet, » reprit le frère Sam, « il y a ces malencontreuses îles qui nous cachent la vue du large. » « Vous n'avez pas, sans doute, la prétention de les faire sauter ?» demanda Miss Campbell. « Ce serait déjà fait, si c'était possible, » répondit le frère Sib d'un ton décidé. « Nous ne pouvons pourtant pas aller camper sur l'île Sail, » fit observer le frère Sam. « Et pourquoi pas ?»« Chère Helena, si tu le veux absolument, absolument !»« Partons donc !» répondirent le frère Sib et le frère Sam d'un ton résigné. Et ces deux êtres, si soumis, se déclarèrent prêts à quitter immédiatement Auban. Olivier Sinclair intervint. « Miss Campbell, dit-il, pour peu que vous le vouliez bien, je pense qu'il y aurait mieux à faire que d'aller s'installer sur l'île Sail. Parlez, monsieur Sinclair, et si votre avis est meilleur, mes oncles ne se refuseront pas à le suivre. » Les frères Melville s'inclinèrent par un mouvement d'automate tellement identique que jamais, peut-être, ils ne s'étaient plus ressemblés. « L'île Sail, reprit Olivier Sinclair, n'est vraiment pas faite pour que l'on puisse y demeurer, ne fût-ce que quelques jours. Si vous avez à exercer votre patience, Miss Campbell, il ne faut point que ce soit au détriment de votre bien-être. J'ai observé d'ailleurs qu'à Sail, la vue de la mer est assez bornée par la configuration des côtes. Si, par malheur, il nous fallait attendre plus longtemps que nous ne le pensons, si notre séjour devait s'y prolonger pendant quelques semaines, il pourrait arriver que le soleil, qui rétrograde maintenant vers l'ouest, finit par se coucher derrière l'île Colonsay, ou l'île Oronsay, ou même la grande Islay, et notre observation manquerait encore, faute d'un horizon suffisant. « En vérité, répondit Miss Campbell, ce serait là le dernier coup de la mauvaise fortune. » Que nous pouvons peut-être éviter en cherchant une station située plus en dehors de cet archipel des Hébrides, et devant laquelle s'ouvre tout l'infini de l'Atlantique. En connaîtriez-vous une, monsieur Sinclair ? Demanda vivement Miss Campbell. Les frères Melville étaient attachés aux lèvres du jeune homme. Qu'allait-il répondre ? Où diable la fantaisie de leur nièce allait-elle finalement les entraîner ? Sur quelle limite extrême des continents de l'ancien monde devrait-il se fixer pour satisfaire à son désir ? La réponse d'Olivier Sinclair eut pour effet de les rassurer tout d'abord. « Miss Campbell, dit-il, non loin d'ici, il y a une station qui me paraît présenter toutes les conditions favorables. Elle est située derrière ces hauteurs de Mull, qui ferment l'horizon dans l'ouest d'Oban. C'est une des petites Hébrides les plus avancées à la lisière de l'Atlantique. C'est la charmante île d'Iona. « Iona ! » s'écria Miss Campbell. « Iona, mes oncles, et nous n'y sommes pas encore ? Nous y serons demain, » répondit le frère Sib. « Demain, avant le coucher du soleil, » ajouta le frère Sam. « Partons donc, » reprit Miss Campbell. « Et si, à Iona, nous ne trouvons pas un espace largement découvert, sachez-le, mes oncles, nous chercherons un autre point du littoral, depuis John O'Groats à l'extrémité nord de l'Écosse, jusqu'au Land's End, à la pointe sud de l'Angleterre. Et si cela ne suffit pas encore ?»« C'est bien simple, » répondit Olivier Sinclair. « Nous ferons le tour du monde. »